Voilà plus de 9 mois que le SARS-CoV-2 est entré dans nos vies, dans la vie d'ailleurs de tous les habitants de cette planète. Et malgré un effort de recherche internationale titanesque, 9 mois plus tard, l'éventualité d'un remède, d'un médicament qui guérirait la maladie est encore bien loin. Alors comment expliquer que l'on ne trouve pas de molécules susceptibles d'endiguer, voire de détruire le virus? Et semble-t-il possible que ce remède arrive, ou la recherche est-elle dans l'impasse, comme elle a pu l'être face à d'autres virus, comme celui notamment du VIH, qui 35 ans après son identification n'est toujours pas guéri? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Covid, l'impossible remède, c'est le programme virologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour cette émission mensuelle de suivi de la recherche autour du coronavirus, puisque tous les mois nous prenons un lundi justement pour faire le point autour de ces questions scientifiques et médicales, qui sont évidemment complétées désormais par la radiographie hebdomadaire que vous connaissez certainement et que vous pouvez entendre chaque vendredi matin à 7h15 dans la matinale, ainsi que par plusieurs numéros des idées claires. Et bien, pour faire ce point mensuel aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Canard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS dans le laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques à l'université d'Aix-Marseille, grand spécialiste, il en est, des coronavirus. Bonjour Antoine Flao. Bonjour. Vous êtes médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique à l'université de Genève et directeur de l'Institut Santé Globale. Mais on commence, comme chaque jour, par un point sur l'actualité scientifique et en l'occurrence celle du week-end. Encore quelques jours en version un peu allégée pour cause de précaution épidémique justement. C'est le Journal des Sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence, Natacha, avec une découverte publiée dans la revue Science. Des chercheurs viennent de percer une énigme de la chimie avec l'eau liquide de surfusion. Oui, H2O est une molécule assez simple, elle est abondante sur notre planète, mais aussi partout dans l'univers. Et pourtant, jusqu'à présent, on expliquait mal ses propriétés inhabituelles. Et en l'occurrence, l'eau liquide de surfusion, l'eau surfondue. C'est de l'eau super froide, qui ne gèle pas et qui reste liquide même à des températures extrêmement basses. C'est ce qu'on observe notamment dans la haute atmosphère, avec le gros pêle, la grêle molle, ou dans la vapeur d'eau surfondue des queues des comètes. Une équipe américaine a utilisé de la spectroscopie infrarouge pour analyser de l'eau surfondue pendant quelques nanosecondes, alors que de la glace était frappée avec un laser. Les chercheurs ont découvert que la structure de l'eau surfondue est une combinaison de deux liquides en un seul. Elle est en réalité un composé de deux états liquides différents, l'un à haute densité et l'autre à faible densité. Et si vous voulez tout savoir sur cette eau deux en un, cette eau à deux états liquides, on vient de vous mettre le lien vers l'article de Science ainsi que vers plein d'autres articles. Ce sera comme tous les jours à retrouver sur notre fil Twitter @lamethodefc et sur le site de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Pour détecter le Covid-19, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert pour l'utilisation de tests salivaires. Disponible fin septembre ou début octobre, les tests salivaires fonctionnent soit par une pipette dans la bouche, soit par un échantillon de salive dans un tube. Ils sont plus simples à réaliser et peuvent être effectués par le patient lui-même, mais comme ils ne sont pas assez fiables pour les personnes asymptomatiques, ils ne seront réservés qu'aux personnes qui présenteront des symptômes. Cette mesure est prise pour désengorger les longues files d'attente pour les prélèvements. Ensuite, il s'agit de la même technique d'analyse que pour des tests PCR nasopharyngés. Donc cela ne changera probablement rien pour les laboratoires d'analyse, ni pour la longueur des délais pour recevoir ces résultats. La Chine s'apprête à ouvrir l'ère de l'exploitation commerciale du système solaire et fait un premier pas vers l'extraction de ressources spatiales. Et les sous-sols des astéroïdes et de la Lune contiennent des métaux précieux, des gaz rares ou encore de l'eau. En novembre, la société privée chinoise Origin Space va lancer le robot Neo 1, le premier robot extracteur de ressources spatiales. Ce petit satellite fait 30 kg et sera envoyé à 500 km d'altitude. Alors on n'en est pas encore au forage d'astéroïdes. Il s'agit là de tester ses technologies, son pilotage et ses capacités à capturer de petits corps célestes. Origin Space devrait aussi lancer Neo 2 en 2022 pour extraire des ressources sur la Lune. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Plus One, le lavage de nos vêtements a créé 5,6 millions de tonnes de microfibres. Et depuis les années 50, le lavage en machine des vêtements en tissu synthétique a rejeté partout dans l'environnement, dans les eaux, comme dans les sous-sols, des millions de tonnes de microplastiques. 5,6 millions de tonnes. Alors pour bien se faire une idée, cela équivaudrait à rejeter dans l'océan environ 7 milliards de vestes en polaire. Pour ces estimations, cette équipe californienne a regroupé l'ensemble des données mondiales sur la production de vêtements, leur utilisation et leur lavage, ainsi que les taux d'émission et de rétention pendant le lavage et le traitement des eaux usées. Ces microfibres ont une durée de vie très longue, on ne sait pas encore à quel point elles sont nocives pour la santé, mais on soupçonne qu'elles peuvent être ingérées par de petits organismes marins comme le plancton et persister tout le long de la chaîne alimentaire. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Peut-être avant de nous lancer dans l'émission, j'aimerais votre avis, puisque c'était, vous l'avez entendu, l'avis de la Haute Autorité de Santé sur les tests salivaires. Bruno Canard, c'est une bonne chose selon vous ? Je pense, oui, c'est une très bonne chose. Tout ce qui va vers un meilleur diagnostic est une chose extrêmement précieuse, puisque sans diagnostic précis, immédiat, en fait, on peut rien faire, je pense. On reviendra plus précisément sur la question du diagnostic. Antoine Flahaut, on entendait aussi que ça va peut-être permettre finalement de diffuser plus de tests, mais comme l'analyse reste une analyse PCR classique, ça risque de ne pas changer grand-chose au délai d'attente. Vous partagez ce point de vue, Antoine Flahaut ? Non, moi je suis beaucoup plus intéressé par ces tests-là, pas pour les délais d'attente, mais parce que les tests PCR nasopharyngés sont des tests désagréables, inconfortables, et beaucoup de gens ne veulent pas s'y soumettre lorsqu'ils en ont besoin. Donc je pense que ça va augmenter le potentiel de faire des tests plus fréquemment parce que le test salivaire, lui, ne présente aucun inconfort. Donc, c'est tout à fait une avancée substantielle. Bruno Canard, sur les délais, vous confirmez que, a priori, les délais risquent d'être les mêmes puisque c'est le même type d'analyse que l'on fait sur ces tests ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste dans le diagnostic. Je ne peux pas préciser, puisque je ne connais pas précisément la chaîne de tous ces manipulations, mais c'est vrai que le délai est une part extrêmement importante, ça c'est sûr. Alors là, effectivement, je partage tout à fait ce qu'a dit Antoine avec le confort qui amènera davantage de gens à se faire tester. Après, le délai, c'est extrêmement important aussi, mais oui, c'est sûr. Comme je le disais, on reparlera tout à l'heure de la question diagnostique, qui est effectivement une question importante. Je vous le disais, on va donc reprendre le fil de cette émission. Une fois par mois, la méthode scientifique refait un point complet d'une heure sur l'un des aspects de la recherche autour du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur la question des traitements, des remèdes, pas des vaccins, qui sont un autre sujet qui mériterait une heure entière et que l'on traitera comme un sujet à part entière. On va parler, en l'occurrence, des travaux qui visent à lutter directement contre le virus chez les personnes malades, et principalement dans les cas graves ou chez les personnes les plus sensibles d'en développer. Car 9 mois après le début de l'épidémie, le constat est le suivant, celui que je faisais tout à l'heure en introduction. Pour l'heure, malgré de très intenses efforts de recherche internationale, aucune molécule n'est concluante et n'a prouvé d'effet indéniable sur le SARS-CoV-2, ce qui a poussé récemment le directeur de l'Organisation mondiale de la santé à avoir ces mots. C'était au début du mois d'août. Nous espérons tous voir bientôt un grand nombre de vaccins efficaces contre l'infection. Pourtant, il n'y a pas de remède miracle pour l'instant et il n'y en aura peut-être jamais. Maintenant, stopper la maladie revient à appliquer les politiques publiques les plus basiques, comme tester, confiner, traiter les malades et tracer les cas contacts. Faites tout cela. Do it all. Voilà, Tedros Adhanom Ghebreyesus, c'était le 4 août dernier. Est-ce que vous partagez le point de vue du directeur de l'OMS ? Est-ce qu'il est possible qu'on ne trouve pas de remède contre le SARS-CoV-2 Antoine Flahaut, par exemple. Je pense que pour développer un médicament, il faut une dizaine d'années. Alors, quand il y a une pandémie, il y a tellement d'efforts de recherche qu'on raccourcit les délais. Par exemple, dans le cas du sida, on a développé l'AZT en 2 ans, ce qui était le plus court délai dans l'histoire jamais observé pour le développement d'un nouveau médicament. Mais c'était un médicament qui avait été identifié dès 1973 ou 74, je crois, c'est-à-dire très en amont de la pandémie du sida qui, rappelons-le, avait émergé en 80. Et il va falloir donc attendre plusieurs années avant que véritablement le médicament arrive et fasse des miracles quelque part, parce qu'il a changé complètement le pronostic. Alors maintenant on met plusieurs antirétroviraux, mais ça a complètement changé le pronostic du sida, alors qu'on n'a toujours pas de vaccin contre le sida. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est infecté par le virus d'immunodéficience humaine a le même espérance de vie, certainement pas la même qualité de vie, mais la même espérance de vie que quelqu'un qui n'est pas infecté. Donc en ce sens, ça a été une avancée absolument majeure. Est-ce qu'on peut attendre 3 ans, 2 ans ou 3 ans pour avoir un médicament contre le coronavirus? On a l'impression que non, on n'est pas parti malgré tout, même si on dit que ça va être pour de longs mois, on espère bien ne pas être parti pour de longues années avec cette pandémie. Donc ce qu'il faut, c'est beaucoup plus compliqué finalement, c'est de disposer d'un vaccin au mieux, mais d'un médicament ou deux médicaments qui pourraient radicalement changer le pronostic de cette maladie, c'est-à-dire en fait qui pourraient changer les formes très sévères de la maladie en des formes moins sévères ou en tout cas non mortelles, et on voudrait ce médicament dans les semaines qui vont arriver. Donc le challenge est évidemment extrêmement compliqué. On peut comprendre que le directeur général de l'OMS dise: attendez, c'est quand même pas du tout sûr que l'on va avoir ça dans les mois qui vont venir. Bruno Canard, votre sentiment, l'absence de panacée à court terme, vous pensez que c'est probable? Alors, donc, je serais tout à fait à ce qu'a dit Antoine. L'exemple de l'AZT était un repositionnement de médicament qui s'est fait donc dans les 2 ans et qui a commencé à soulager ou à apporter des solutions pour le sida. Et on a vu qu'il a fallu quand même ensuite des années pour trouver des nouveaux médicaments plus efficaces. Donc, je pense que dans le cas du coronavirus, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les moyens qui ont été augmentés depuis les années 80-90 par rapport au sida. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a cherché à repositionner des médicaments qui existaient déjà, c'est-à-dire des médicaments pour lesquels on avait déjà des études cliniques et qui étaient pour une autre indication, et on a essayé de voir s'ils avaient une activité contre le coronavirus. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de panacée et de médicaments puissants. On est à l'heure actuelle avec des médicaments qui montrent un petit peu d'activité, et on essaie de s'en débrouiller. Donc il faut passer à la deuxième phase, qui malheureusement est beaucoup plus longue, celle de la conception de nouveaux médicaments. Et donc, comme a dit Antoine, effectivement, là, c'est une unité de temps qui est de l'ordre de 10 ans. Mmh. Heureusement, la conception de ce médicament, en général, se fait sur des cibles qui sont conservées des virus, ce qui fait que quand on a une molécule qui va être active sur la famille des coronavirus, ensuite, il y a un autre coronavirus qui arrive, on sera pourvu en molécule active et on pourra effectivement réutiliser et donc repositionner beaucoup plus rapidement. Alors, moi, je suis assez optimiste sur sur l'introduction globalement et la perfusion du concept du médicament dans les esprits, puisque d'abord, effectivement, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un diagnostic précis et rapide pour pouvoir ensuite utiliser un médicament le plus rapidement possible après l'infection. Parce que ne pas laisser le virus se développer, c'est le bon sens. Il ne faut pas qu'il y ait une charge virale qui augmente, qui crée des problèmes. Donc le mater dès l'entrée, encore faut-il savoir quand il est rentré. Ça, c'est la première des choses avec le diagnostic. Et ensuite, la deuxième des choses sur laquelle je suis extrêmement optimiste, c'est le fait qu'il y a en ce moment une recherche exceptionnelle qui se fait sur les travaux de comment l'interféron, qui est un médicament naturel produit par les cellules, est relâché. Et effectivement, cette stimulation de l'interféron et son absence qui mène au cas grave est en train d'être complètement décryptée. Et aussi, comment cette inflammation, cet embrasement des cellules après infection sur la phase tardive du Covid est de plus en plus comprise. On commence à trouver des marqueurs, des molécules qui nous disent: attention, si cette molécule est très haute, il va y avoir un cas grave. Oui. À ce moment-là, on peut prévoir d'abord d'une part, s'attendre à qui va être malade gravement par rapport à une autre personne qui ne sera pas gravement malade. Ça, c'est très important pour la gestion des hôpitaux. Et ensuite, c'est sûr que ça va nous donner très rapidement des portes d'entrée de contrôler cette inflammation. Mmh. À partir de là, diagnostic, antiviral et contrôle de l'inflammation, on risque de se retrouver dans une situation où on contrôlera très facilement des cas graves qui ne seront plus graves. Et dans ces cas-là, le coronavirus aura beaucoup perdu de son pouvoir de nuisance. Mmh. Et on reparlera, hein, parce que là vous évoquez des recherches très très récentes et on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Je suis obligé, même si je fais pas de gaieté de cœur, de dire tout de même un mot à ce propos pour avoir très brièvement, parce qu'on veut vraiment pas perdre trop de temps là-dessus, votre point de vue là-dessus, parce que évidemment quand on parle d'un médicament miracle, il y a quelqu'un, un professeur bien connu aujourd'hui, surtout des plateaux télé, qui a dit qu'il avait trouvé une molécule miracle. Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine, c'est terminé, c'est fin de partie pour reprendre sa propre terminologie, ça ne marche pas, c'est établi, il n'y a plus de doute là-dessus. Antoine Flahaut ? Alors, tout d'abord, je pense que, comme l'a dit Bruno Canard tout à l'heure, si l'on veut avoir un médicament très très rapidement, l'idée de repositionner un médicament pour lequel on a toute une expérience, pour lequel on a tout le dossier clinique déjà existant, est une excellente idée. Après, le tout, c'est qu'il faut que ça marche. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Ben, on regarde d'abord sur des cellules infectées. Vous savez que les virus ne se reproduisent pas comme les bactéries sur des boîtes de pétri. Donc, ils se reproduisent à l'intérieur de cellules. Donc, on prend des cellules immortalisées, généralement de reins de singe, mais ça peut être d'autres choses. Et puis, on infecte ces cellules avec du virus, avec du coronavirus, en laboratoire sécurisé. Et là, on met des une fois qu'on a réussi à avoir un bon modèle cellulaire comme ça, on met des molécules du marché, des molécules existantes. Il y a l'ivermectine, il y a l'hydroxychloroquine, on peut en mettre plusieurs. Et on peut regarder laquelle a une efficacité. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit, je vous en ai donné deux, de l'ivermectine. Comme l'ivermectine, c'est les Australiens qui l'ont fait, et à Marseille, et puis aussi des Chinois, ont regardé l'hydroxychloroquine, et ils s'aperçoivent que c'est un pouvoir antiviral très très important. En laboratoire. Bruno peut peut-être en reparler, parce que c'est dans son laboratoire. Enfin, c'est à Marseille que ça a été regardé in vitro. Alors, on dit ex vivo parce que c'est sur des cellules vivantes. En plus, c'est un peu mieux encore que in vitro. Mais là, il reste à montrer que parce que ça marche sur la cellule, ça marche aussi chez l'homme. Et ça, c'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'il faut véritablement faire des essais cliniques pour le montrer, pour le démontrer. Là, je pense que c'est là où il y a eu une approche un peu différente entre le médecin infectiologue qui est Didier Raoult et qui a rapidement tenté de regarder si ça fonctionnait chez l'homme. Mais le problème avec une maladie qui, dans 80% des cas, guérit spontanément, c'est que si vous ne faites pas des essais randomisés en double aveugle avec une méthodologie très austère, mais très éprouvée, aujourd'hui, il n'y a pas un seul médicament qui arrive sur le marché, pas un seul, à part peut-être dans des maladies très rarissimes où on ne peut même pas faire d'essais randomisés, mais dans toutes les maladies, et puis elle n'est pas rarissime, malheureusement, la Covid-19, on peut, bien entendu, regarder, tester auprès d'un certain nombre de patients si le produit marche ou s'il ne marche pas. Et ce que l'on voit, pour le moment, eh bien, c'est une grande déception. C'est que ce qui marchait en laboratoire ne semble pas fonctionner chez l'homme dans les essais cliniques qui sont réalisés. Alors, on peut toujours dire, oui, mais ces essais auraient dû se faire chez d'autres types de patients, un peu avant, un peu après. On aurait quand même beaucoup préféré voir que les essais réalisés indépendamment par les uns, par les autres, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Brésil ou en France, puissent marcher. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse convaincante avec ces essais. Et donc, en effet, on a l'impression qu'on va tirer le rideau sur cette molécule. Il reste l'ivermectine, qui n'a pas encore prouvé son efficacité non plus, mais pour lesquels les essais sont en cours. Et peut-être on va trouver avec d'autres... L'ivermectine, c'est un produit qu'on utilise dans la maladie du sommeil. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais elle a des propriétés antivirales sur des cellules infectées. Donc peut-être qu'on va trouver une efficacité de type clinique. Dernier point peut-être, c'est que l'hydroxychloroquine ou la chloroquine sont des médicaments à très faible marge thérapeutique. C'est-à-dire que malheureusement, elles ne marchent peut-être pas parce que on aimerait augmenter plus la dose pour qu'elle fonctionne contre le virus chez l'homme. dans la vie courante. Et on ne peut pas le faire parce que la marge thérapeutique, ça veut dire que si vous augmentez, vous créez des effets indésirables trop graves. C'est une molécule très très bien tolérée à dose normale, mais si vous augmentez, disons de 2 ou 3 fois la dose, vous arrivez dans des marges toxiques. Et ça, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de médicaments où on peut augmenter de 100 fois la dose sans que ce soit gênant. Pour certains médicaments très connus, pour le paracétamol, c'est pas possible, pour la chloroquine non plus. Bruno Canard, en quelques mots, vraiment rapidement, pour ne pas perdre trop de temps non plus sur cette molécule. Je pense que Antoine a parfaitement résumé l'affaire. Alors pourquoi elle n'est pas effectivement, elle n'est pas active dans les patients? Parce que quand on teste en laboratoire, on teste sur un certain type cellulaire, on peut trouver une activité. D'ailleurs, au passage, c'est pas chez nous que ça a été trouvé, c'est dans le laboratoire de John Knight et Mark Van Ranst en Belgique. Et ça a été confirmé par beaucoup de personnes. Et sur d'autres virus aussi, ça marche très bien en laboratoire. On prend un certain type cellulaire, et donc on essaie sur ce type, ça marche très bien. Mais après, dans le corps humain, le virus infecte et fait des ravages dans les cellules pulmonaires. Ce n'était pas ce type de virus de cellules qui avait été utilisé en laboratoire. Il se trouve que dans les cellules pulmonaires, les gens ont regardé comment l'hydroxychloroquine fonctionnait. Effectivement, elle marche pas dans ce type de cellules. Donc l'extrapolation du laboratoire au patient, elle est difficile, elle est risquée. Mais je pense que le rationnel de le faire, c'est-à-dire quelque chose qui marche en laboratoire en culture de cellules infectées, doit être effectué, doit être utilisé, testé en études cliniques sur les patients. On a vu d'autres molécules qui n'avaient aucune logique à être testées en essai clinique, par exemple l'opinavir, ritonavir ou le Tamiflu. Le Tamiflu, la cible n'existe pas chez le coronavirus, donc c'était totalement illogique de faire ça. La chloroquine, non, il y avait une logique. Mmh. Voilà. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h22, nous parlons donc de la recherche pour un traitement contre le Covid-19. Nous en parlons avec Bruno Canard et Antoine Flau. Peut-être qu'on pourrait dire un mot, Bruno Canard, sur les antiviraux, puisque c'est ce qu'on va chercher en première intention, à essayer d'empêcher la réplication, la diffusion du virus. Or, on se rend compte que les antiviraux, c'est plus compliqué, et c'est nettement plus compliqué que les antibiotiques, les antibactériens, dont on connaît bien l'histoire et qui, historiquement, d'ailleurs, a suscité un important effort de recherche, alors que les antiviraux, c'est plus récent et c'est surtout beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Alors, pendant très longtemps, on a cru qu'on n'arriverait pas à faire des antiviraux parce que le virus arrive, il se développe, il fait des dégâts, il s'en va, et quand on s'en aperçoit ou qu'on donne des antiviraux, c'est trop tard. Donc, cette théorie a une certaine logique, mais c'est sans compter que la recherche avance et on connaît de plus en plus des marqueurs précoces de l'infection. Donc on peut, et des diagnostics qui sont de mieux en mieux, donc on peut maintenant commencer à traiter très précocement avant que le virus ne soit réellement installé et ait fait des dégâts. Et donc ça a changé la face des choses. Par exemple, pour le virus de la dengue, on sait détecter la présence de NS1 dans un patient infecté avant qu'il ait des symptômes, avant qu'il ait de la fièvre. Et donc, en cas d'épidémie, on peut essayer de voir s'il y a une infection. Ce genre de diagnostic et de recherche va permettre d'avoir une intervention plus rapide et au meilleur moment. La deuxième chose, c'est que les virus mutent et deviennent résistants aux médicaments. C'est une des questions qui a un peu inhibé la recherche des antiviraux, puisque pour le VIH, par exemple, on a effectivement eu beaucoup de problèmes de résistance qui ont été contournés. On a pu finalement, avec le temps, après 35 ans, on a 35 molécules actives contre le VIH. Et comme vous le disiez, c'est un formidable succès. Pour le virus de l'hépatite C, je voudrais en dire un mot. C'est un virus qui, donc, c'est virus hépatite C ou hépatite ou sida sont des virus chroniques qui restent dans l'organisme et donc on a tout le temps finalement, ils sont là, on va les attaquer et on les détruit. Voilà. L'hépatite C, ça a été fait avec c'est un succès extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 1990, un nouveau virus est identifié et qui donne finalement au bout de 20 ou 30 ans quand on est infecté un cancer du foie. Et maintenant, après des années de recherche qui ont été assez pénibles, hein, des mauvais médicaments au début qui ont été augmenter, améliorer, on se retrouve avec un traitement qui dure 6 semaines et on se débarrasse complètement d'un virus à ARN. Ça, c'est, pour moi, c'est un triomphe sans précédent avec une molécule, donc c'est le Sovaldi, qui est d'une efficacité pratiquement à 100%. Si on ne guérit pas les gens, il est en combinaison avec d'autres inhibiteurs, d'autres médicaments. Et c'est un des succès énormes. Donc je pense que la marche dialectique de l'histoire, c'est qu'il va y avoir d'autres virus plus difficiles, comme le coronavirus, comme la dengue, comme bien d'autres virus ARN, qui vont être maintenant sur la liste des virus où il faut s'attaquer. La partie est un peu plus difficile. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle est plus difficile? Pourquoi est-ce qu'elle est plus difficile, Bruno Canard, la partie contre le SARS-CoV-2? Alors la partie est un peu plus difficile parce que là, ce n'est plus un virus chronique, c'est-à-dire que c'est un virus qui frappe et puis finalement qui s'en va. Et on a maintenant bien mis en évidence qu'il y a l'orage cytokinique. Après, le virus, il n'est plus là, ou alors s'il est là, c'est certains patients à risque de développer des pathologies plus graves. Donc, dans le cas général où la personne n'est pas réellement en danger, le virus tape et s'en va. Et donc, il y a un moment où il faut taper avec un antiviral et ensuite il faut surveiller la suite. Et donc ça, c'est une des difficultés. Ce n'est pas un virus qui reste pendant 6 mois. On l'a l'hépatite C, on le garde pendant 30 ans avant d'avoir vraiment une transplantation du foie. Donc on a le temps de traiter. Là, il faut arriver à trouver des molécules qui sont très efficaces, les donner au bon moment et qu'elles soient ensuite données avant que le virus fasse des dégâts. C'est ça la difficulté. Et la deuxième chose, c'est qu'avec le coronavirus, c'est un virus qui a un génome très grand par rapport à les autres virus à ARN classiques, 2 à 3 fois plus grand. Et en fait, pourquoi il est plus grand? Mais parce qu'il a capté au cours de l'évolution un équipement enzymatique qui lui permet de résister beaucoup mieux contre la défense des cellules qui veulent s'en débarrasser, et également contre les molécules qui peuvent venir stopper sa réplication en particulier. Il a un système de réparation qui lui permet de se débarrasser, par exemple, de la ribavirine, qui est un antiviral large spectre, pas seulement, d'ailleurs, mais qui était utilisé sur les virus ARN. Justement, c'est intéressant ce que vous venez d'évoquer, Bruno Canard, un antiviral à large spectre. Effectivement, pourquoi est-ce que ça marche pas, les antiviraux à large spectre, comme on a des antibiotiques à large spectre, hein, qui balayent un peu tout, qui balayent un peu toutes les bactéries? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une sorte de médicament comme ça, 3, 4 ou 10 en 1, qui permettrait d'être au moins une première ligne contre les virus? Pourquoi ça marche pas, ça, Antoine Flao? Ah, c'est peut-être d'ailleurs plus à Bruno qu'il faut poser la question qu'à moi, en fait. Mais ce que je pense déjà, c'est que pour reprendre ce qu'a dit Bruno Canard tout à l'heure, il y a plusieurs phases, même si c'est aigu et même si ça dure peu de temps, il y a plusieurs phases, il n'y a pas que la phase virale. Mmh. Et dans les développements des médicaments, il va y avoir des antiviraux, mais il va y avoir aussi, par exemple, des anti-inflammatoires. En fait, aujourd'hui, les deux seuls médicaments qui ont montré une efficacité, à ma connaissance, c'est un antiviral, c'est le remdesivir, une efficacité qui n'est pas transcendante, hein. Mmh. Elle réduit de 15 à 11 jours la durée d'hospitalisation des patients, mais c'est un antiviral, voilà. Vous savez, le Tamiflu, pour la grippe, c'est pas non plus la panacée, hein. Ça réduit de quelques heures, un jour sans doute, la durée des symptômes de la grippe. Ça fait pas mieux, en fait, hein. Mais ce sont des antiviraux, voilà. Et puis, le deuxième médicament qui marche, qui fonctionne, d'après les essais cliniques, hein, toujours, c'est la dexaméthasone, qui est un vieux corticoïde que l'on donnait de toute façon, je dirais même sans les essais cliniques, on le donnait chez les patients qui sont ventilés, qui sont en réanimation. Et là, c'est pas miraculeux, mais quand même, ça réduit d'un tiers la mortalité. Pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, on a à peu près réussi à réduire de 50%, quand on prend tout, pas simplement les médicaments, parce qu'on parle des médicaments, mais il y a aussi des techniques de réanimation, le fait de mettre les gens sur le ventre, le fait aussi de ne pas ventiler trop vite. On a réduit de 50% la mortalité aujourd'hui en réanimation. Qui est très très important. Donc on a quand même, mais oui, on a quand même fait un bon, c'est un petit peu comme ça que la médecine progresse, hein. On attend souvent des produits miracles. Ils arrivent parfois. On l'a dit tout à l'heure pour les antirétroviraux ou pour le médicament qu'a cité Bruno sur l'hépatite C, l'antiviral absolument miracle puisqu'il guérit, hein, de l'hépatite C. Eh bien, très souvent en médecine, particulier dans le traitement des cancers, on a plutôt des progrès incrémentaux, où on gagne de quelques mois, on gagne de quelques jours la durée d'hospitalisation, et c'est déjà vraiment très substantiel pour les patients qui peuvent finalement bénéficier de ces traitements qui ont prouvé leur efficacité et ne pas avoir en plus à recevoir des traitements qui n'ont pas prouvé leur efficacité et qui plus que cela risquent d'avoir des effets indésirables. Bruno Canard, alors je vous repose la question sur cette question. Pourquoi est-ce que ces antiviraux, vous voyez, je me trompe, à large spectre ne fonctionnent pas en première attention? Pourquoi est-ce que on n'a pas évidemment des médicaments qui seraient un peu fourre-tout et qui permettraient justement de combattre ou en tout cas d'apporter une première pierre avant de trouver des médicaments plus spécifiques? Alors c'est très simple, on a eu au départ l'impression que tous les virus étaient les mêmes, et donc qu'ils avaient une petite machine de synthèse de leur ARN, et que donc il suffisait de la coincer avec des médicaments de type, par exemple, nucléoside. Et en fait, les progrès de la biologie structurale, de la biochimie, des gens qui investiguent un peu plus en détail dans comment fonctionnent ces machineries de réplication, se sont rendus compte que non, suivant les différentes familles virales, c'est-à-dire les coronavirus, par exemple, ou Ebola virus, ou la rougeole, ou l'hépatite, en fait, il y a des différences structurales qui sont subtiles, ou disons assez discrètes, mais qui font que, à un tout petit détail près, les molécules ne vont pas agir de la même manière, elles vont perdre leur efficacité. Par exemple, à titre d'indication, on travaille en ce moment sur un antiviral qui marche très bien sur le SARS-CoV-2, or sur le MERS, il marche 10 fois moins bien. Et en fait, les détails sont extrêmement subtils. Et je donnerai un exemple qui a été par exemple la remdesivir a été essayé sur Ebola et n'a pas fonctionné. Alors on peut se dire, ok, il n'a pas fonctionné parce que c'était trop tard, ou bon. Peu importe, mais la manière dont le remdesivir interagit avec la polymérase d'Ebola est liée à la structure particulière de cette famille de virus, qui n'est pas la même que la structure de la famille des coronavirus. De la même manière, un exemple frappant aussi, le Sovaldi, qui est la molécule miracle contre l'hépatite C, miracle, hein, elle ne marche pas du tout sur les coronavirus. Or, pourtant, c'est des virus de la même globale grande famille des ARN positifs. Or, elle ne marche pas du tout. Tout le monde a essayé tout de suite de repositionner le Sovaldi contre le coronavirus. Ça ne marche pas. Effectivement, il y a une raison moléculaire qui se cache dans la structure à résolution atomique qu'il faut avoir pour comprendre ce genre de choses entre les virus de la famille de l'hépatite C et les virus de la famille des coronavirus. On va essayer de comprendre, hein, quelles sont les différentes stratégies qui peuvent s'appliquer justement dans la recherche, pas seulement dans le repositionnement, mais à quels endroits une molécule peut intervenir pour empêcher une infection par un virus. On va prendre des cas très concrets, notamment via le reportage, et puis on en parlera aussi de l'autre partie, de la partie inflammatoire, et bien des recherches qui sont en cours pour éviter justement de basculer dans les formes sévères qui conduisent au décès. Hey man, where'd you go today? Did you find some place to stay? Far, far, far away, yeah. Hey man, there you go again. On your own again. You're breaking hearts again, yeah. Alright, okay. To say, do you hear what I got to say? I'm searching for a remedy. Alright, okay. Do you hear what I got to say? Do you hear what I got to say? I'm searching for a remedy. Hey man, everywhere you roam, your demon's gonna go. But at least you're not alone, yeah. Hey man, you're hanging by a thread. You're standing at the edge. It's one more chance to take my hand. Alright, okay. Do you hear what I got to say? Do you hear what I got to say? I'm searching for a remedy. Do you hear what I got to say? Do you hear what I got to say? I'm searching for a remedy. 30 Seconds to Mars remédie à 16h35 sur France Culture. C'est ce dont il est question. Nous parlons, nous cherchons avec nos deux invités du jour des remèdes et des traitements au SARS-CoV-2. Nous en cherchons, nous cherchons avec Bruno Canard qui est avec nous, qui est directeur de recherche CNRS dans le laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques à l'université Aix-Marseille. Et Antoine Flao, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'université de Genève et directeur de l'Institut Santé Globale. Alors, prenons quelques exemples concrets. Pour commencer, sur un candidat médicament en particulier en cours d'essai, il va être question de serrure, de crochetage et de prestidigitation. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. On dit souvent qu'il n'y a pas de médicament magique, pourtant vous êtes intéressé à un remède en spray. Oui, et j'ai rencontré Philippe Caroyan qui est professeur à Sorbonne Université au laboratoire des biomolécules et qui s'est dit avec son équipe qu'au lieu d'essayer de combattre le virus une fois dans notre organisme, on pourrait essayer de le combattre en empêchant son entrée dans nos cellules. Pour cela, ils ont développé un leurre qui imite la serrure couvre le virus dans notre organisme, sauf que ce leurre bloque le virus et l'empêche de s'installer. Philippe Caroyan nous explique comment ils ont mis au point un tel leurre et avec quelle efficacité il bloque le virus. Il nous en dit plus également sur l'agenda qu'il se fixe avec son équipe pour une mise sur le marché rapide du spray nasal qui contiendrait ce composé bloquant l'infection. Alors nous sommes partis bien sûr de la serrure naturelle, la protéine humaine qui porte le nom de ACE2 et qui correspond à ce qu'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est impliquée entre autres dans sa forme circulante dans la régulation de la pression artérielle. Donc nous avons construit 160 fausses serrures en utilisant des algorithmes in silico, c'est-à-dire à travers dans notre ordinateur, et sur les 160 qui ont été dessinées, calculées, pour être susceptible de simuler la véritable serrure, nous en avons fabriqué 25, donc synthétisés en utilisant les outils dont nous disposons au laboratoire, les outils chimiques bien sûr. Donc nous avons fabriqué 25 fausses serrures et dès le départ, dans la conception de notre outil, nous avons envisagé de concevoir nos outils pour pouvoir les développer par la suite et faire des outils thérapeutiques. Donc dans nos algorithmes, ce que nous avons introduit, c'est uniquement concevoir ces fausses serrures à partir d'acides aminés naturels qui sont présents naturellement dans notre organisme ou dans le vivant, on va dire dans le vivant. Nous avons utilisé un deuxième algorithme qui nous permettait de limiter un paramètre qu'on qualifie d'antigénicité. Donc c'est pour éviter d'avoir une réaction allergique avec le produit que nous dessinons. Et donc, nous avons construit des peptides, des fragments de cette serrure, uniquement à partir d'acides aminés naturels, qui sont ceux qu'on retrouve dans la serrure humaine. Et donc, à partir de là, nous en avons fabriqué 25. Nous les avons testés pour leur capacité à bloquer l'infection sur les cellules pulmonaires humaines. Donc, nous avons incubé des cellules pulmonaires humaines avec le virus, bien sûr, le SARS-CoV-2, et avec notre fausse serrure, avec nos peptides. Et sur les 25 que nous avons testés, il y en a 3 qui se sont révélés particulièrement efficaces pour bloquer complètement l'infection. Nous avons voulu élucider le mécanisme par lequel nos peptides étaient capables de bloquer l'infection et nous avons pu mettre en évidence une interaction, c'est-à-dire que on a des appareillages qui nous permettent de mesurer ces interactions et de les traduire sous un paramètre qui porte le nom d'affinité. Et donc, nous avons pu mettre en évidence à travers cette mesure de l'affinité le fait que nos fausses serrures se liaient à la clé et une fois que cette liaison se produisait, aucun retour en arrière n'était possible. La clé virale est bloquée par les fausses serrures. L'affinité, l'interaction est tellement forte qu'on a pu mesurer ce qu'on appelle une constante cinétique d'association, mais la constante cinétique de dissociation, en général, ce sont des équilibres, est très faible, d'accord, quasiment nul, et donc le virus est complètement bloqué. Il ne peut plus aller se servir de sa clé pour aller infecter les cellules et interagir avec la véritable serrure. Si on se projette un petit peu, quelle forme prendrait l'utilisation de cette méthode-là chez l'humain? Quelle posologie on pourrait envisager? Quel type de prise de molécules on pourrait envisager? Nous avons d'abord testé la toxicité de notre produit à 150 fois la dose efficace sur les cellules humaines. Nous n'avons noté aucune toxicité, ce qui était attendu puisque on a construit un mime de la serrure naturelle qui est naturellement présente sur nos cellules. Donc on s'attendait pas à avoir une très grande toxicité. Mais quoi qu'il en soit, on n'observe pas de toxicité à 150 fois la dose efficace. Ensuite, en termes d'approche, on peut envisager deux approches ici. Une approche prophylactique, comme le vaccin pour protéger, pour prévenir, et une approche thérapeutique pour traiter des patients qui sont déjà atteints. Le paradigme de développement des médicaments est long. C'est-à-dire que vous avez les essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, un paradigme auquel il est difficile de se soustraire. Et donc, clairement, c'est pas compatible aujourd'hui avec la pandémie qui cause une crise sanitaire et économique extraordinaire, majeure. Voilà. Donc, notre démarche aujourd'hui, notre volonté, est d'aller vers un outil prophylactique. Nous avons eu un retour de nombreux groupes pharmaceutiques intéressés par notre projet. Nous n'avons encore rien signé, mais nous sommes en discussion avancée avec des groupes capables de formuler notre produit en spray. C'était notre objectif dès le départ, mais il existe déjà des sprays de ce type dans le commerce, et notamment des sprays qui permettent d'envisager une seule injection par jour. Une seule injection par jour qui permettrait de tapisser les tissus, la peau interne du nez, l'épithélium, on parle d'épithélium ici, donc qui permettent de tapisser l'épithélium avec un gel qui existe et qui est déjà sur le marché, hein, qui permet de traiter les rhinites allergiques ici. Et donc à partir de là, ce gel dans lequel on formulerait notre produit préviendrait des infections. Donc il permettrait de s'affranchir du port du masque notamment. Et puis bien sûr, il bloquerait le virus, puisque ce que nous avons démontré, c'est que notre produit est capable de bloquer la clé virale. Alors si cette option est retenue, pour le moment nous souhaitons évoluer vers cette option, nous tombons ici dans le domaine de dispositifs médicaux, du dispositif médical, qui ne nécessite pas des années d'études, puisque notre dispositif médical n'interagit pas directement avec les cellules, il va simplement bloquer le virus qui n'a rien d'humain, il bloque le virus, et donc on pourrait très rapidement mettre ce produit sur le marché. Alors quand je vous dis très rapidement, tout est question de moyens financiers, encore une fois. Et nous espérons, si nous trouvons un accord, les groupes pharmaceutiques avec lesquels nous sommes en discussion pensent qu'on pourrait mettre notre produit sur le marché au premier semestre 2021, donc très rapidement. Voilà, peut-être un candidat médicament au premier semestre 2021. Une réaction à ce candidat médicament et à ce reportage, Bruno Canard, ce spray nasal anti-Covid? Je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est effectivement une approche très intéressante. Là, c'est l'entrée du virus et d'ailleurs probablement la sortie aussi. Non, c'est que l'entrée qui doit être targetée, mais en tout cas... C'est une excellente nouvelle et je pense que comme si on prend un peu exemple dans les thérapies qui ont été mises au point pour HCV ou pour l'hépatite C ou pour le VIH, beaucoup de cibles différentes ont été ciblées. Donc l'entrée, la réplication avec la polymérase, la protéase, et donc tout le coronavirus nous fournit, puisque c'est un grand génome, il nous fournit beaucoup de cibles pour occuper les chercheurs à trouver des médicaments. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle. Antoine Flau, votre réaction? Elle est plus contrastée, on va dire. Okay. Je ne parlerai pas de nouvelles encore. Je pense que le développement... On rentre ici dans le développement d'un nouveau médicament. C'est-à-dire que je ne vois pas, pour vous dire, tellement comment on va pouvoir faire... J'aime pas trop ce contournement par les dispositifs médicaux pour éviter finalement les phases d'un essai, parce que toutes les phases, d'abord, il n'a pas parlé des essais précliniques, mais c'est bien qu'on puisse mettre 100 fois la dose, 150 fois la dose sur des cellules, mais on voudrait voir chez l'animal déjà. Bien sûr. On fait des essais précliniques, en général, chez des rongeurs, puis après chez des primates, qui ressemblent un peu à l'homme. Est-ce que c'est bien toléré? Je sais pas, peut-être qu'il n'a pas dit parce qu'il n'a pas eu le temps, mais pour l'instant, il me manque, à mon avis, ce dossier préclinique. Et ensuite, les phases cliniques, des essais cliniques, elles sont quand même faites pour protéger les patients. Il y a eu beaucoup dans l'histoire de la médecine d'avancées thérapeutiques géniales qui se sont avérées être des faux espoirs. Je pense que je voudrais pas doucher l'innovation de ce groupe qui est en effet extrêmement prometteuse. peut-être très, très attractive. Je comprends le problème que nous fassions face à une pandémie d'une grande gravité économique et sanitaire. C'est pas pour autant, et surtout pas, je dirais, qu'il faut court-circuiter les phases d'essai cliniques qui sont là pour protéger les patients. Quels sont les obstacles concrets que pose le SARS-CoV-2, Bruno Canard, à la recherche? C'est-à-dire, quelles sont les stratégies? Pourquoi est-ce que ça bloque? À quels endroits face, bien, soit du repositionnement, soit de la recherche, le virus a-t-il déjoué finalement les cibles précises, thérapeutiques des molécules? Alors déjà, je voulais dire que je suis d'accord avec Antoine. Bien sûr. Effectivement, moi j'ai pas regardé le côté clinique et tout, mais pas de précipitation, hein, ça c'est sûr, c'est un point extrêmement important. Moi je pensais à l'aspect cibler l'entrée, comme cibler la réplication, comme cibler ensuite la phase inflammatoire. C'est toujours une bonne nouvelle, s'attaquer à plusieurs choses. Et effectivement, hein, pas de précipitation. Alors, quels sont les problèmes posés spécifiquement par le virus du coronavirus? Eh bien, donc, le problème, finalement, rétrospectif, c'est qu'on aurait pu, depuis 2003, effectivement, accumuler, ça fait quand même 18 ans, on aurait pu accumuler des connaissances qui nous permettent de, par exemple, les peptides de M. Carroyan, qui aurait très bien pu être développé et testé depuis 2003, puisqu'on connaît depuis le SARS. 2003, hein. Voilà, le récepteur, on connaît effectivement le mécanisme clé serrure et donc faire des peptides. Tout ça, ça aurait pu être fait plutôt que d'être fait dans l'urgence. On aurait pu tranquillement faire ça avec le SARS sur un modèle animal. Évidemment, il n'y aurait pas eu de patient pour faire l'essai clinique, mais bon, ça rejoint. Les problématiques de la recherche, que effectivement une unité de temps pour un développement de médicaments, c'est 10 ans. Voilà. Donc effectivement, vouloir accélérer énormément revient au problème du virus, c'est-à-dire il est difficile à étudier comme toute problématique scientifique, ça prend du temps, de l'énergie, des moyens. Voilà. Je précise, Bruno Canard, que vous parlez en connaissance de cause, puisque vous travaillez sur les coronavirus justement à l'époque du SARS, et vous avez témoigné à plusieurs reprises sur le fait que petit à petit, vous avez eu de moins en moins de financement, que ça intéressait de moins en moins de monde, et que vous avez été obligé de changer d'objet d'étude parce que plus personne, comme l'épidémie de SARS s'était interrompue, ne s'intéressait au coronavirus. Je me trompe ? Oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas arrêté complètement. Mais bien sûr, mais en tout cas, ça. On a été assez ralenti. Il y a eu un changement de paradigme à la fin des années, de la décennie des années 2000, où, les moyens se sont un peu raréfiés et les gens se sont concentrés plutôt. En fait, ce qui s'est passé aussi, je m'en rends compte, c'est qu'il y a eu un formidable outil qui est arrivé, qui est le séquençage de masse, qui permettait de séquencer très rapidement et avec grande précision tout un tas de virus et d'aller chercher, regarder dans la nature, prévoir les épidémies, etc. Donc, beaucoup de moyens ont été mis sur cette question d'épidémiologie, de suivi de crise, de détection, d'anticipation, mais peu de moyens ont été mis sur le côté fondamental, finalement, celui qui prend beaucoup de temps, les structures, les mécanismes, la chimie médicinale, toutes ces choses-là. Et donc, effectivement, nous, on s'est retrouvés petit à petit à être au creux de la vague parce que tout le monde avait baissé la garde vis-à-vis du SARS. On a alerté en 2015, on a envoyé des lettres à la Commission européenne, par exemple, en disant, attention, il faudrait quand même ne pas oublier les antiviraux, d'autres problèmes vont se poser. C'est en 2015, en 2016, il est arrivé le virus de Zika pour vraiment nous donner raison. Ensuite, on a renvoyé la lettre en 2016. Attention, ça risque d'arriver, il est arrivé en 2020 le coronavirus. Donc effectivement, c'est le temps long, la problématique, c'est pas facile pour des politiques de se décider à investir à très long terme. Voilà. Alors, venons-en peut-être aux études récentes que vous nous avez transmises, hein, Bruno Canard. Là, c'est tout frais sorti des revues, pourrait-on dire. Notamment une étude intéressante dans Nature Communications qui dit l'ARN polymérase du SARS-CoV-2 est-elle son tendon d'Achille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est assez intéressant? Pourquoi ce postulat et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de cette étude qui peut être vraiment très intéressant dans la recherche d'un candidat médicament? Alors, on s'est aperçu que cette ARN polymérase devait donc synthétiser un génome du coronavirus qui est trois fois plus grand et qui a donc 30 000 composants de son génome. Rappelez-nous ce que c'est que l'ARN polymérase, juste en deux mots. L'ARN polymérase, c'est la petite machine qui va synthétiser une copie parfaite du génome. Parfaite, disons, En tout cas, de temps en temps, elle fait une petite erreur qui ensuite est traduite en... ou non, enfin, qui se traduit, c'est une mutation, qui se traduit par un effet ou non. Elle peut rester silencieuse. Mais donc, c'est la, cette machine qui va être capable, en un temps record, de resynthétiser des génomes qui vont être produits dans la cellule et ensuite vont être compartimentés dans des nouveaux virus qui vont ensuite se répandre et reproduire un autre cycle. Donc, c'est la machine qui amplifie des copies exactes, qui refait les copies exactes du logiciel du virus. Mmh. On va dire. Et donc, cette enzyme, est, on s'est aperçu qu'elle était 10 fois plus rapide que des enzymes de virus qui sont apparemment proches, comme l'hépatite C, la dengue, le poliovirus, tout ça. Ils ont les mêmes styles d'enzymes, mais ces enzymes synthétisent des génomes qui sont relativement petits, qui font de l'ordre de 10 000 paires de bases. Et donc, le coronavirus, pour arriver à faire 30 000 paires de bases, en attendant, et pour ne pas se faire détecter par la cellule, hein, qui sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe quand elle est infectée, ben, elle a évolué pour aller extrêmement vite. Donc ça, c'était une surprise incroyable. Et en évoluant pour aller extrêmement vite, on s'est aperçu qu'elle a évolué pour en se disant, ça fait rien, je fais beaucoup de mutations, je fais des erreurs, mais je vais très vite. Et derrière, elle a capté de la cellule, au cours de l'évolution, une autre enzyme qui va corriger ces erreurs. Et donc, en fait, finalement, on se retrouve avec une enzyme qui est capable d'aller extrêmement vite au prix d'une fidélité qui est réduite puisqu'elle va être corrigée par une exonucléase. Et donc, cette fidélité réduite est très intéressante parce que on peut utiliser des médicaments ou des candidats médicaments, en tout cas, le concept, pour lui faire avaler des leurres, des molécules qui sont identiques aux bases de l'ARN, sauf qu'elles vont produire des mutations. Et si cette enzyme qui ne fait pas attention, son incorporation est suffisamment bonne par ces molécules, l'exonucléase derrière ne va pas corriger. Et donc finalement, on va se retrouver avec un virus qui synthétise énormément un grand n'importe quoi génétique, et la cellule va reconnaître qu'il se passe quelque chose de particulier. Et en fait, les virus, au lieu d'être un virus vivant, enfin stable et efficace, ils vont se retrouver être mutés et le virus va mourir par ce qu'on appelle un processus d'erreur catastrophe. Il se sera lui-même surmuté. Et donc ça, c'est un procédé qui est tout à fait spécifique au coronavirus et effectivement, on pense que c'est une possibilité d'utiliser ce processus pour avoir des antiviraux qui vont être assez efficaces. Je précise que vous êtes signataire de cette étude qui est publiée donc le 17 septembre dans Nature Communications. Un mot peut-être, Antoine Flahaut, sur ces travaux qui sont effectivement assez intéressants. Ça veut dire que entre découvrir ce mécanisme et proposer une molécule qui permette justement d'avoir l'effet d'erreur fatale que vient de décrire Bruno Canard, ça peut être rapide, ça va prendre beaucoup de temps encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est passionnant d'abord. Je pense que on voit la qualité de cette recherche. Il faut savoir que cette revue scientifique est l'une des meilleures au monde et atteste la qualité des travaux de cette équipe. Et je crois que ce qu'a dit Bruno Canard au début était très important, c'est-à-dire que on a beaucoup négligé, y compris dans les financements de la recherche, ce type de risque. Et donc ce type de développement, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, non, je suis pas totalement sûr qu'on arrivera à utiliser les résultats de cette recherche pour la pandémie actuelle. Bruno me contredira s'il pense que c'est jouable, mais peu importe, on va vivre après cette pandémie et il y aura de nouvelles émergences ou pandémiques aussi dramatiques qu'aujourd'hui ou surtout pas forcément, mais le SRAS, ça avait été une alerte suffisamment sérieuse. Le MERS continuera après la pandémie probablement. Peut-être même que ce coronavirus continuera d'une autre façon ou d'une façon plus discrète, mais qui nécessitera quand même ce type d'investissement. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce type d'investissement de façon fondamentale, mais en plus avec des idées derrière de molécules thérapeutiques et de nouvelles approches thérapeutiques, peut être extrêmement intéressant, pas simplement d'ailleurs pour ce coronavirus, mais pour d'autres virus ou d'autres maladies virales que l'on ignore peut-être encore aujourd'hui. Bruno Canard, pour répondre à Antoine Flahaut. Oui, ben, je pense que ça traduit exactement ce que je pense. Effectivement, pour cette pandémie, là, avant de mettre au point des molécules comme ça, c'est peut-être pas ce coup-ci, mais finalement il y a des candidats qui ont été très proches de réaliser ça. En particulier, c'est des molécules qui étaient utilisées dans les traitements anticancers. Ça rappelle un peu l'histoire de la ZT qui était au départ un anticancer. C'est-à-dire, c'est des molécules qui poussent la cellule cancéreuse vers une overdose de mutation. Et donc, comme la cellule cancéreuse est déficiente en réparation, ben elle meurt. Donc les anticancers et ces molécules-là peuvent être réutilisées, le concept peut être réutilisé pour le SARS-CoV-2. Ceci dit, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a deux molécules qui sont arrivées très proches hein, de cette utilisation. C'est le favipiravir, donc l'Avigan, qui marche exactement sur ce procédé, sur ce type de mécanisme pour la grippe. Donc notre article montre qu'en fait, il est pas super efficace, mais le concept est validé. Donc, en fait, marche. Alors, c'est dommage qu'il soit pas très efficace parce qu'en fait, il est relativement sûr. Il y a de la génotoxicité, je crois. Bon, il a une autorisation de mise sur le marché. Le deuxième, c'est un médicament, la bêta-4-N-hydroxycytidine, qui était un anticancer. Donc, il a aussi une toxicité. C'est dommage parce qu'il a une très forte activité antivirale et il a une toxicité. Mais je pense que là, il est impératif de continuer à chercher ces bases modifiées, les mettre sur un squelette de ribonucléotides donc et d'utiliser ça comme anti-SARS. Et là j'appelle aussi nos amis de chimie médicinale à travailler là-dessus. Alors j'appelle surtout en fait nos décideurs à financer des laboratoires de chimie médicinale qui ont été aussi malmenés depuis fort longtemps, comme on peut voir avec le VIH ou l'hépatite C. Tous ces médicaments de ce type-là n'ont pas été conçus en France, alors qu'on a des excellents chimistes qui se sont petit à petit ont été incités à ne pas travailler sur ce style de médicaments antiviraux. Une dernière question pour conclure, Bruno Canard. Est-ce que une configuration VIH est possible pour le coronavirus, c'est-à-dire trouver des médicaments qui permettent, non pas de guérir vraiment la maladie, mais de maintenir une sorte de statu quo et de maintenir finalement ce virus en circulation malgré tout dans la population, ou est-ce que c'est vraiment un scénario complètement différent ? Non, je pense que, comme je disais finalement à l'ouverture de l'émission, je suis très optimiste sur le fait que on va arriver dans un temps relativement court à avoir un contrôle du cours de la maladie, c'est-à-dire avec un antiviral, mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est les anti-inflammatoires, des molécules ou des moyens d'agir sur la réponse à l'interféron. Je pense qu'on se dirige, peut-être avec l'aide d'un virus qui va devenir aussi moins pathogène au cours de l'évolution, on ne sait pas exactement ce qu'il en est en ce moment, mais on va arriver à contrôler le fait qu'un malade n'arrive pas vers une forme grave, irrémédiable et un décès. Et donc ça, finalement, c'est une extrêmement bonne nouvelle dans la mesure où on va pouvoir lâcher un peu la pression sur les hôpitaux qui ont été au four et au moulin et complètement débordés et qui ont fait un travail extrêmement remarquable et qui a été plébiscité par des applaudissements à 20h tous les jours. Des gens aux fenêtres. Et puis rappeler évidemment qu'on a déjà réussi à faire chuter la mortalité, que le médicament miracle, comme souvent, n'existe pas, mais que c'est évidemment des progrès incrémentaux, comme le rappelait tout à l'heure Antoine Flahaut, qui vont certainement conduire à réduire au maximum les formes graves et à diminuer drastiquement le nombre de décès. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour faire ce point mensuel dans la méthode scientifique sur le coronavirus. Merci Bruno Canard, merci Antoine Flahaut. Je rappelle que on continue à faire des points toutes les semaines le vendredi matin à 7h15 dans la question du jour dans la nouvelle forme de la radiographie du coronavirus et puis régulièrement avec les idées claires. On va vous mettre le lien et les liens vers ces émissions sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Demain, que se passe-t-il lorsque vous mettez en système un électron et son antiparticule, un positron? Vous obtenez du positronium, ce sera le sujet de notre émission demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.